Au fond, j'avais affaire à une de ces rudes sottement jaloux qui éprouvent une satisfaction méchante en privant autrui des bonheurs qu'eux-mêmes ne comprennent pas. J'essayais pourtant de le prendre par la pas du gain. J'offris un louis, des sommes folles. Rien n'y fit. L'animal était buté et son mauvais vouloir demeura plus fort que l'avarice. Alors, chacun le comprendra, un désespoir sombre m'envahit. J'accusais le destin, je détestais les hommes, et ma haine, s'exaspérant, finit par s'étendre jusqu'aux faïences. Oui, mes faïences adorées, elles m'avaient rien fait pourtant. Je voulais un jour ne plus les voir, et j'ordonnais à Madelon de les porter au galetas, toutes, y compris le portulier, auteur inconscient de ma souffrance. Et je regardais Madelon, la pressant, la poussant, presque heureux, sataniquement heureux, car, dans son émotion et son trouble, une assiette, un plat, lui glissait des doigts. Elle m'en cassa bien, une demi-douzaine, pauvre fille. « Va toujours, Madelon, » disais-je, tandis que, effarouchée et ne comprenant pas, elle balayait les débris.